إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، on reprend donc ce soir la lecture et l'étude de Kitab al-Tawhid, le livre de l'unicité, de l'imam Muhammad ibn Sulayman al-Tamimi rahimahullah ta'ala. Nous en sommes aujourd'hui au 15e chapitre, qui est un chapitre dans lequel l'auteur rahimahullah ta'ala nous démontre la fausseté du shirk, la fausseté du polythéisme. Et il a voulu dans celui-ci, ainsi que dans les chapitres après lui, nous montrer que ceux qui donnent des associés à Allah subhanahu wa ta'ala ne se basent en réalité sur aucune preuve. Et que les textes du Coran, ainsi que les textes de la Sunna, sont venus pour appeler à vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala, à l'adorer lui seul, en dehors de tout autre que lui. Et de la même manière, les textes du Coran et de la Sunna sont venus pour interdire le shirk, interdire le polythéisme, interdire le fait de donner des associés à Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. Donc le shirk ici, rahimahullah, il nous dit chapitre concernant la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui sont les versets 191 et 192 de surat al-A'raf, أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَسْتَطِعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ. Prennent-ils pour associés ce qui ne peut rien créer alors que eux-mêmes sont créés, et ils ne peuvent ni le secourir, ni se secourir eux-mêmes. Donc ici Allah subhanahu wa ta'ala pose cette question à titre de blâme et de condamnation de ceux qui prennent des associés en dehors de lui. Leur dit, prennent-ils des associés qui ne peuvent rien créer? Tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils n'ont pas la capacité de créer, car seul Allah subhanahu wa ta'ala est capable de créer. C'est lui le créateur de l'ensemble de l'univers. Donc étant donné que ces choses qu'ils adorent, que ce soit des pierres, des arbres, des personnes vertueuses, des prophètes, des anges ou autres, étant donné que ces choses n'ont pas le pouvoir de créer, comment peuvent-ils les adorer en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala? Car seul celui qui a la capacité de créer est en droit d'être adoré. Donc Allah subhanahu wa ta'ala prend ici pour argument son unicité dans la seigneurie, le fait qu'il est le seul créateur, le seul à posséder l'ensemble de l'univers, le seul à administrer tout dans cet univers. Il prend cela comme argument pour démontrer aux polythéistes qu'il est le seul en droit d'être adoré. Et Allah subhanahu wa ta'ala a d'ailleurs ordonné cela dans son livre, tout en prenant cet argument lorsqu'il a dit « Ya ayyuha an-nas, u'budu rabbakum alladhi khalaqakum. » Ô vous les gens, adorez votre Seigneur qui vous a créé, étant donné que c'est lui votre créateur. Et la plupart des polythéistes reconnaissent cela, qu'Allah subhanahu wa ta'ala est leur créateur. Allah subhanahu wa ta'ala leur dit donc, ô vous les gens, adorez votre Seigneur qui vous a créé. C'est-à-dire, adorez-le lui seul, sans ne lui donner aucun associé. Allah subhanahu wa ta'ala les blâme donc dans ce verset, en disant, prennent-ils des associés qui ne peuvent rien créer? C'est-à-dire, comment peuvent-ils mettre au même niveau la créature et le créateur? وَهُمْ يُخْلَقُونَ. Alors qu'eux-mêmes sont créés, c'est-à-dire ces êtres qu'ils adorent. Les pierres, les arbres, les tombes, les mausolées, les anges, et ainsi de suite. Eux-mêmes sont des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne sont pas capables de créer car eux-mêmes ont été créés. Donc comment peuvent-ils être pris comme associés, comme égal à Allah subhanahu wa ta'ala? Ceci est une preuve claire et évidente pour toute personne douée de raison de la fausseté du polythéisme. Ensuite Allah subhanahu wa ta'ala continue en disant « Et ils ne peuvent pas les secourir. » C'est-à-dire ces fausses divinités, les statues que les polythéistes adoraient, et jusqu'à aujourd'hui, ces mausolées, ces pierres, ces tombeaux, qui sont adorés en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne peuvent rien pour ceux qui les adorent. Ceux qui viennent et qui les invoquent ne peuvent pas les secourir. Lorsque le polythéiste est touché par une difficulté, lorsqu'il est malade, lorsqu'il souffre de certaines choses dans ce bas monde, il n'y a aucune créature qui peut lui venir en aide, si ce n'est par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et toutes ces fausses divinités qu'ils invoquent avec Allah subhanahu wa ta'ala ne peuvent rien pour eux lorsqu'ils sont en détresse, lorsqu'ils sont en danger. On a déjà mentionné cela dans un cours précédent et on a vu que les premiers polythéistes, d'ailleurs, en raison de cela, en raison du fait qu'ils reconnaissaient cela, qu'ils savaient que leur fausse divinité ne pouvait rien pour eux dans la difficulté, qu'est-ce qu'ils faisaient en temps de détresse? Ils invoquaient Allah subhanahu wa ta'ala en lui vouant le culte exclusif. Donc ceci nous montre clairement la fausseté du shirk. Allah subhanahu wa ta'ala dit donc à ces polythéistes qui invoquent autre que lui, qui adorent autre que lui, ils ne peuvent pas vous secourir et ils ne peuvent même pas se secourir eux-mêmes. En effet, ce mort, qui est enterré, qui est dans sa tombe, lui-même n'a pas été capable d'échapper à la mort. Il n'a pas été capable d'échapper au fait d'être mis sous terre. Il n'a pas été capable de rester dans ce bas monde vivant, car ce n'est qu'une simple créature. Il ne choisit pas le temps qu'il passera sur terre, mais il est soumis à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'a donc pas été capable de se secourir lui-même face à l'épreuve de la mort. Comment pourrait-il donc secourir autre que lui? Et il en est de même pour tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, parmi les pierres, les statues ou autres. Regardez ces grandes statues dans certains pays par certains polythéistes qui sont adorés en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. N'importe quel homme parmi les plus faibles pourrait les détruire. Un enfant en bas âge pourrait les détruire en les jetant au sol. Et cette statue, elle ne pourrait pas se secourir, ne pourrait pas se protéger et échapper à cela. De même que les mausolées, les tombeaux qui sont adorés en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, si quelqu'un venait les détruire, ne peuvent pas se protéger. Alors comment pourrait-il secourir autre qu'eux? Et les gens de science ont dit qu'entre dans ce verset tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que ce soit les anges, les prophètes, les vertueux, les pierres, les arbres, les djinns, les tombeaux, les mausolées, et ainsi de suite. Car tous sont des créatures qui sont faibles, qui ne peuvent ni secourir ceux qui les invoquent, ni se secourir eux-mêmes. Alors si telle est leur situation, comment peuvent-ils les invoquer en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala? Ensuite, le Cheikh rahimahullah ta'ala a mentionné d'autres versets, qui sont les versets 13 et 14 de Surat Fatir, dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala dit, s'adressant toujours aux polythéistes, وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِتْمِيرٍ إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ. Ceux que vous invoquez en dehors de lui, en dehors d'Allah, ils ne sont même pas maîtres de la pellicule d'un noyau de date. Tous ceux qui sont invoqués en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui qu'ils soient, parmi les hommes, les pierres, les arbres ou autres, ils ne possèdent même pas la fine pellicule qui est autour d'un noyau de date. Ils ne sont même pas maîtres de cela, alors que c'est une chose insignifiante. Allah subhanahu wa ta'ala dit ensuite, selon le sens rapproché, « Et si vous les invoquez, ils n'entendent pas votre invocation. » Le mort qui est dans sa tombe, il n'entend pas ceux qui l'invoquent. Les pierres, les arbres sont des êtres inanimés. Ils n'entendent pas ceux qui les invoquent. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit toujours selon le sens rapproché. Et même s'ils vous entendaient, c'est-à-dire à supposer, supposons qu'ils vous entendent lorsque vous les invoquez, ils ne sauraient pas vous répondre. Ils ne seraient pas en mesure de répondre à votre demande, car ceci n'est pas dans leur capacité. Même si le mort dans sa tombe entendait celui qui l'invoque, il ne pourrait pas répondre à sa demande, il n'en a pas les capacités. Donc on voit à travers ce verset que celui qui est en droit d'être invoqué, il doit remplir trois conditions. La première, c'est qu'il possède et qu'il soit maître de ce qu'on lui demande. La deuxième, c'est qu'il entende celui qui l'invoque, car s'il ne peut pas entendre, il ne pourra pas lui répondre. Et la troisième, c'est qu'il soit capable de répondre à cette invocation. Et ces trois choses, elles ne sont réunies de manière absolue que chez Allah subhanahu wa ta'ala. Car c'est lui, le maître de l'univers, il est celui qui entend tout, et il est celui qui est capable de toutes choses et capable de répondre aux invocations de ceux qui l'invoquent. Quant à ceux qui sont pris pour divinité en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, premièrement, ils ne possèdent rien. Comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit, ils ne sont même pas maîtres de la pellicule d'un noyau de date. Deuxièmement, ils n'entendent pas ceux qui les invoquent. Et troisièmement, même s'ils les entendaient, ils seraient incapables de répondre à leurs demandes. Et en plus de cela, en plus du fait qu'ils ne peuvent pas répondre à leurs demandes, c'est-à-dire que leurs invocations, elles sont inutiles à ces polythéistes. Ils n'en tirent aucun profit. Au contraire, ils n'en tirent que la perdition. En plus de cela, Allah subhanahu wa ta'ala les informe et leur dit: وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ. Et au jour de la résurrection, ils nieront votre polythéisme. C'est-à-dire qu'au jour de la résurrection, tous ceux qui ont été pris pour divinité en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils vont se désavouer de ceux qui les adoraient. Tous sans exception. Ils se désavoueront tous de ceux qui les adoraient. Même le diable, il se désavouera de ceux qui l'ont suivi. Les anges, au jour de la résurrection, ils vont se désavouer de ceux qui les ont pris pour divinité en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. De même que Isa alayhi salam, il se désavouera de ceux qui l'ont pris pour divinité en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il en est de même pour l'ensemble des fausses divinités. Tous se désavoueront de ceux qui les adoraient. Donc le polythéiste, lorsqu'il invoque autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ou qu'il voue une quelconque adoration à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, en réalité, il ne fait que s'enfoncer dans la perdition. Car il ne tire aucun profit de cela, ni ici-bas, car son invocation ne sera pas exaucée, ni même dans l'au-delà, car dans l'au-delà, il sera parmi les perdants s'il meurt sur le polythéisme sans se repentir. Il sera éternellement dans le feu de l'enfer. Et celui qu'il avait pris pour associé en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala se désavouera de lui. On voit donc à travers ce verset une preuve claire de la fausseté du polythéisme, la fausseté du shirk, et que son auteur n'en tire aucun profit. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné quelques hadiths. Et il dit, et dans l'authentique, c'est-à-dire ici dans les deux recueils de hadiths authentiques d'Al-Bukhari et Muslim, rahimahumallah ta'ala, Anas, radiyallahu ta'ala, anhu rapporte que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a été blessé à la tête le jour de Uhud, c'est-à-dire le jour de la bataille de Uhud, au point qu'une de ses dents a été cassée. Il dit alors, comment pourrait réussir un peuple qui a blessé son prophète à la tête? Allah subhanahu wa ta'ala révéla alors le verset 128 de sourate Ali Imran, dans lequel il dit: Laïsa laka min al-amri shay, tu ne détiens aucune part du commandement. Donc dans ce hadith, on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été blessé à la tête le jour de la bataille de Uhud. Cette bataille immense, qui porte le nom donc de l'endroit où elle s'est déroulée, c'est-à-dire auprès de la montagne de Uhud, à proximité de la ville de Médine. Et cette bataille, elle a eu lieu l'année qui a suivi la bataille de Badr. Les polythéistes s'étaient rassemblés et désiraient obtenir la victoire sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et se venger de lui et de ses compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, qui les avaient vaincus le jour de la bataille de Badr. Ils sont donc venus, et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et ses compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, ils se sont dirigés vers eux. Ils se sont donc rencontrés à cet endroit, à proximité de la montagne de Uhud. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a alors organisé les troupes et a placé les combattants. Et il a placé sur la montagne qui se trouvait derrière eux un groupe d'archers qui devait protéger l'arrière des musulmans. La bataille a donc eu lieu, et les archers sont restés sur cette montagne, jusqu'à ce que les musulmans obtiennent au départ la victoire, et ce, tant qu'ils suivaient le plan du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont alors commencé à réunir le butin, et lorsque les archers ont vu que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et les compagnons commençaient à réunir le butin, ils ont pensé que la bataille était terminée. Ils ont donc voulu descendre pour aider leurs frères à réunir le butin qu'ils avaient pris des polythéistes. Alors leur chef leur a dit de ne pas descendre. Il leur a rappelé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur avait dit de rester sur cette montagne, que l'on obtienne la victoire ou que nous perdions. Mais ils se sont opposés à leur chef. Ils sont descendus dans la montagne et c'est alors que Khalid ibn al-Walid, qui était à ce jour encore polythéiste, il a vu que la montagne était vide et qu'un chemin s'était libéré pour pouvoir attaquer les musulmans. Il a donc fait le tour, ainsi que ceux qui étaient avec lui, et ils ont attaqué les musulmans par derrière. Sans même que les musulmans ne se rendent compte, et les polythéistes se trouvaient derrière eux, en train de les combattre. Alors à ce moment-là, les troupes se sont mélangées, les musulmans et les mécréants, et la bataille recommença à nouveau. Et les musulmans ont perdu cette bataille en raison de l'opposition de certains d'entre eux à l'ordre du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et méditer sur le fait qu'ils ont été atteints par cette défaite, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été blessé, une de ses dents a été cassée. Nombre de compagnons sont morts durant cette bataille, Et la raison de cette défaite, c'est quoi? Une seule désobéissance. Une seule désobéissance dont les auteurs n'étaient pas tout le groupe, mais seulement certains parmi eux. Et en raison de cette désobéissance, ils ont subi cette défaite. Alors que dire de nous aujourd'hui qui désobéissons à Allah subhanahu wa ta'ala nuit et jour? Nombre parmi nous s'opposent aux ordres du prophète sallallahu alayhi wa sallam de manière apparente et cachée, à longueur de journée. Wallahul musta'an. Pensons-nous que c'est comme cela que nous obtiendrons la victoire? Pensons-nous que c'est en nous opposant aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et aux ordres de son messager sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fera triompher? Il n'y a pas de doute que ce que les musulmans ont besoin aujourd'hui, c'est de revenir d'un retour véridique à la religion authentique, à l'islam, selon le Coran et la Sunna, et la compréhension des pieux prédécesseurs de la communauté, rahimahumullah ta'ala. Quoi qu'il en soit, ceci était une petite parenthèse très importante, surtout de nos jours, durant lesquels nombre de musulmans sont éprouvés en divers endroits par différentes injustices et cherchent parfois des solutions qui n'en sont pas en réalité. La solution pour obtenir le secours d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que chacun d'entre nous mette en pratique sa religion. Que tu reviennes d'un retour véridique à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que tu te soumettes aux ordres d'Allah. Que tu délaisses ses interdits. Que tu te soumettes aux ordres de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Que tu délaisses ses interdits. Que tu t'accroches fermement à sa sunna, que tu mettes en pratique cela et ce dans ton quotidien. Et si chacun d'entre nous fait des efforts en cela, alors c'est ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fera triompher. Sans cela, cela ne sert à rien de chercher des solutions qui ne sont pas des solutions qui sont conformes aux enseignements de la noble religion de l'islam. Quoi qu'il en soit, on voit à travers ce hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été blessé dans cette bataille. Et ceci est une preuve évidente que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne possède pour lui-même ni profit ni nuisance. Donc si tel est le cas, il n'est pas permis de lui vouer une quelconque adoration. Et ceci est une preuve de plus de la fausseté du polythéisme. Car une créature, quelle qu'elle soit, aussi éminent et aussi élevé soit le rang qu'elle occupe auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle reste une créature et elle ne mérite aucune part de l'adoration. Regardez ici notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est la plus noble des créatures. Il a subi ses nuisances, il a été blessé. Il n'a pas pu empêcher cette nuisance de l'atteindre. Ceci est donc une preuve qu'il n'est pas en droit d'être adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si tel est le cas pour notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors autre que lui est d'autant moins en droit d'être adoré. Il n'est donc pas permis d'adorer les saints, d'adorer les walis, d'adorer les vertueux et autres parmi ceux qui sont pris comme divinités en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car comme on l'a mentionné, l'adoration, c'est un droit exclusif d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'est pas permis de l'avouer à autre que lui. Et ceci est le sens même de l'attestation de foi, Ash'hadu an la ilaha illallah. Nul n'est en droit d'être adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été blessé durant cette bataille, il a prononcé cette parole. Comment pourrait réussir un peuple qui ont blessé leur prophète à la tête? C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a pensé à ce moment-là qu'ils n'accepteraient pas son appel, étant donné le degré d'obstination qu'ils avaient atteint. Et étant donné l'opposition au prophète sallallahu alayhi wa sallam, de laquelle il s'était rendu coupable au point de le combattre. Il a donc pensé qu'il était peu probable qu'il réponde à son appel et qu'ils entrent en islam. Et donc, s'il ne répondait pas à son appel et qu'il n'entrait pas en islam, il n'obtiendrait pas la réussite. Car la réussite, elle ne peut s'obtenir que par l'entrée en islam. Allah subhanahu wa ta'ala a donc révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Laysa laka min al-amri shay. Tu ne détiens aucune part du commandement. Ensuite, il dit subhanahu wa ta'ala, Ou yatouba alayhim, ou yu'adhibahum, fa innahum zalimun. Qu'Allah accepte leur repentir ou qu'il les châtie, ils sont certes injustes. Donc ceci également, c'est une preuve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas en droit d'être adoré. Car le commandement tout entier appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne fait que transmettre le message de la part d'Allah. Quant au commandement, il appartient entièrement à Allah. Comme il le dit subhanahu wa ta'ala, قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ. Dit, le commandement tout entier appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Quant au messager alayhi salatu wa salam, il ne faut qu'on transmettre le message de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala lui a donc dit: Laysa laka min al-amri shay. Tu ne détiens aucune part du commandement. Tu ne détiens pas le choix d'obtenir la victoire ou la défaite. Ce n'est pas toi qui choisis cela. Tu ne détiens pas le choix de qui se repentira, qui aura la réussite, qui entrera en islam, qui sera guidé et qui ne le sera pas. Tout ceci est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quant à toi, tu n'as qu'à transmettre le message. In alayka illa al-balagh. Il ne t'incombe que de transmettre, c'est-à-dire transmettre le message de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tel est le rôle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que des prophètes et des messagers avant lui. Ils ne possèdent ni pour eux-mêmes ni pour autre que la capacité de pouvoir profiter ou de nuire. Donc si telle est la situation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que dire d'autre que lui parmi ceux qui sont adorés en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala auprès des tombes et des mausolées. Ensuite le cheikh rahimahullah ta'ala nous dit, et on y trouve aussi, c'est-à-dire dans l'authentique, et ici ce qui est visé c'est l'authentique de l'imam muslim rahimahullah ta'ala, d'après Ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu, c'est-à-dire Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma, qu'il a entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, alors qu'il relevait la tête de l'inclination durant la dernière unité de prière de la prière de l'aube, ô Allah, maudit un tel et un tel, après avoir dit Sami'a Allahu liman hamida Rabbana wa lakal hamd. Allah a alors descendu Laysa laka min al-amri shay. Tu ne détiens aucune part du commandement. Donc dans ce hadith, Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma nous rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué contre certaines personnes en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de les maudire. On a vu ce que signifiait la malédiction, c'est-à-dire qu'il demande à Allah subhanahu wa ta'ala de les exclure, les éloigner et les priver de sa miséricorde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fit cette invocation en raison de ce que ces polythéistes avaient fait subir aux musulmans durant cette bataille. Et dans une autre version du hadith, comme l'auteur rahimahullah ta'ala nous le mentionne, il est rapporté les noms de ceux contre qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué. Il nous dit, et dans une autre narration, il a invoqué contre Safwan ibn Umayyah, wa Suhayl ibn Amr et Al-Harith ibn Hisham. Alors Allah subhanahu wa ta'ala a révélé, tu ne détiens aucune part du commandement. Donc cette narration, elle nous clarifie les noms de ceux qui étaient visés par cette invocation. Et ces trois hommes, ils faisaient partie de ceux qui ont mené la bataille de Uhud parmi les polythéistes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc invoqué contre eux en raison de ce qu'ils ont fait subir aux musulmans. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, de par son savoir parfait, il sait quelle est la fin de chacun d'entre nous. Comment chaque homme terminera sa vie? La terminera-t-il sur la mécréance ou la terminera-t-il sur l'islam? Allah subhanahu wa ta'ala, il sait parfaitement toutes choses. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne connaît des choses futures que ce dont Allah subhanahu wa ta'ala l'a informé. En dehors de cela, il ne connaît pas l'invisible. Il ne connaît pas les choses futures, il ne connaît pas les choses imperceptibles. Et donc ces trois personnes, ils font partie de ceux qui se sont repentis par la suite, sont entrés en islam de la meilleure manière. Radiyallahu ta'ala anhum. Et ils étaient fermes sur leur religion. À tel point qu'il en rapporte que Suhayl ibn Amr, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque certaines personnes commençaient à apostasier, il s'est levé pour sermonner les gens de la Mecque, afin de les raffermir sur leur religion. Il leur a dit, ô gens de Mecca, ne soyez pas les derniers à être entrés en islam et les premiers à en sortir. Alors les gens de Mecca sont restés fermes sur la religion de l'islam. Ils n'ont pas apostasié, et la cause de leur fermeté fut cet homme, Suhayl ibn Amr, en qui Allah subhanahu wa ta'ala a placé le bien. Donc on voit également à travers cela que quel que soit l'égarement et la mécréance dans laquelle peut être plongée la personne, on ne doit pas désespérer du fait qu'il puisse être guidé. Aussi égaré soit l'homme, aussi mécréant soit-il, aussi graves soient les péchés qu'il commet, son cœur est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et s'il veut, il peut le guider. Regardez ces trois hommes ici. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué contre eux à cause de ce qu'ils ont fait subir aux musulmans durant la bataille de Uhud. Ils combattaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils combattaient les meilleurs des hommes de cette communauté, les compagnons radiyallahu ta'ala anhum. Malgré cela, ils se sont repentis. Ils sont entrés en islam. Et Allah subhanahu wa ta'ala a accepté leur repentir et les a placés parmi les meilleurs des hommes, les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc ceci est également une preuve que nul ne connaît l'invisible en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'il n'est pas permis de juger un individu précis en disant qu'il sera en enfer, à l'exception de ceux dont Allah subhanahu wa ta'ala a témoigné de cela dans le Coran ou son messager sallallahu alayhi wa sallam dans la Sunna. Et ceci fait partie de la croyance des gens de la Sunna, que l'on n'atteste pour personne du paradis ou de l'enfer, sauf ceux pour qui a témoigné de cela le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Toutefois, on espère pour le bienfaisant qu'il entrera au paradis et on craint pour le malfaisant qu'il entre en enfer. Et tant qu'une personne est vivante, on n'affirme pas de ce qu'il adviendra d'elle. Car seul Allah subhanahu wa ta'ala sait comment la personne finira. Et quel que soit le degré de mécréance que la personne ait pu atteindre, si Allah subhanahu wa ta'ala décide de le guider, ses péchés lui seront pardonnés et il pourra faire partie des serviteurs vertueux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quoi qu'il en soit, on voit à travers ce verset que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne détenait aucune part du commandement, que le commandement tout entier appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. On voit également à travers ces récits que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que les meilleurs des hommes après lui, les compagnons parmi les émigrés, les ansars, ils ne possédaient pas le pouvoir de se préserver que les atteignent le mal. Ils ont subi cette défaite le jour de Uhud. Ils n'ont pas été capables d'empêcher cette défaite, malgré leur vertu et malgré leur piété. Donc si cela est arrivé à ces hommes qui sont les plus pieux de la communauté, qu'ils n'ont pas été capables de repousser le mal et de s'en préserver, et cela de leur vivant, comment pourraient-ils, après leur mort, repousser le mal d'autres qu'eux? Ceci nous montre donc la fausseté du polythéisme et que le fait de les invoquer en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala est une chose insensée. Enfin, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné un autre hadith et il dit, on y trouve aussi, c'est-à-dire toujours dans l'authentique, et il vise ici l'authentique de l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, d'après Abu Huraira, radiyallahu ta'ala anhu, qui a dit, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, s'est levé, et dans une version du hadith, il s'est levé et est monté sur le mont de Safa, lorsqu'on lui a révélé, c'est-à-dire lorsqu'Allah lui a révélé, le verset 214 de Surat al-Shu'ara, wa andir ashirataka al-aqrabin, et averti les gens qui te sont les plus proches. Allah subhanahu wa ta'ala a donc ordonné à son messager sallallahu alayhi wa sallam d'avertir ses plus proches parents. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, immédiatement après avoir reçu cette révélation, il s'est levé, il est monté sur Safa et il les a avertis comme on va le voir dans la suite du hadith. Donc ceci nous prouve l'obligation de s'empresser à se soumettre aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui s'est immédiatement levé pour avertir ses proches parents. Et également, on voit à travers cela, à travers cet ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala au prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'avertir les gens qui lui sont les plus proches, que le prédicateur, celui qui souhaite ordonner le bien ou interdire le mal, il doit commencer par les gens de sa maison, sa famille, ses proches parents, puis les gens qui sont autour de lui, parmi ses voisins, ses amis, et les gens de l'endroit où il se trouve. Et petit à petit, le bien se propagera autour de lui, inshallah ta'ala. Quant au fait de commencer à appeler au bien des gens qui sont lointains, ou alors à voyager dans d'autres pays, ou dans d'autres villes, ou alors de nos jours, à ouvrir des comptes sur les réseaux sociaux pour s'adresser à des gens à travers le monde. Car Internet, c'est une plateforme internationale. Lorsque la personne, elle parle sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Twitter, sur Facebook ou autre, elle s'adresse en réalité aux gens du monde entier, parmi ceux qui pourront comprendre son message et à qui il parviendra. Donc, quant au fait de commencer par cela, tout en délaissant les gens qui te sont proches, les gens de ton foyer, ta famille, tes proches parents, ceci s'oppose à la voie du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Ceci n'est pas la voie prophétique. Et ceci est contraire à ce qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, a ordonné dans son livre. La voie correcte de la prédication, c'est que la personne, elle commence par ses proches, et en particulier les gens de sa maison. Médite sur la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui dit dans son noble livre: Ya ayyuhalladhina amanu, qu'u anfusakum wa ahlikum nara, wa qudha an-nas wal hijara. Ô vous qui croyez, préservez vos personnes et vos familles d'un feu dont le combustible sera les gens et les pierres. Allah subhanahu wa ta'ala, il a donc ordonné premièrement de se préserver, puis de préserver sa famille. Et ceux car tes proches parents, ils ont un droit sur toi. Et il fait partie de leurs droits les plus immenses et les plus importants que tu les orientes vers le bien, que tu les orientes vers ce par quoi ils pourront se réformer, que tu les orientes vers ce par quoi ils pourront obtenir la réussite. Ceci est la chose la plus profitable que tu peux offrir à ta famille. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de gens ont une vision restreinte des choses et pensent qu'il suffit d'offrir à sa famille, à ceux qui sont sous sa responsabilité, parmi les épouses, les enfants et ainsi de suite, à boire et à manger, et de quoi se vêtir et un logement. Et ils pensent que s'il a fait cela, il a atteint le summum, qu'il leur a donné pleinement leurs droits, qu'il s'est affranchi de ses devoirs vis-à-vis d'eux, et peut-être même qu'il pense qu'il en a fait plus que son obligation. Mais en réalité, ce n'est pas ça la priorité, ce n'est pas ça qui va les sauver du feu de l'enfer. Ce n'est pas de manger et de boire qui va les sauver de l'enfer. Certes, ceci fait partie des obligations. Mais il y a une chose qui est encore plus profitable que tout l'or et l'argent de ce bas monde, c'est que tu leur enseignes et que tu les orientes vers ce qui est profitable pour eux, ici-bas et dans l'au-delà, et qui est les règles de la religion de l'islam. Que tu leur enseignes le bien, que tu leur enseignes la religion, que tu leur enseignes la croyance authentique, le tawhid, que tu leur enseignes les règles de la prière, les règles de la purification, et ainsi de suite. Et avant cela, bien sûr, il faut que tu les apprennes toi-même. Car celui qui ne possède pas une chose, il ne peut pas la donner à autrui. Donc tu vas apprendre ces choses pour pouvoir accomplir tes devoirs vis-à-vis de ceux qui sont sous ta responsabilité. Et ceci n'est pas une chose à négliger. Et ce qui est important ici à souligner, comme on a dit, c'est que la voie dans la prédication, pour celui qui souhaite appeler au bien, c'est de commencer par les gens qui te sont proches. Et après le bien, il se propagera petit à petit, inshallah ta'ala. Ceci est la bonne voie à suivre. Quant à celui qui délaisse les gens de son foyer, qui délaisse ses proches, qui délaisse les gens de son entourage, et qui se rend devant son écran, sur Internet, sur les réseaux sociaux, pour parler d'islam, pour prétendre enseigner le bien, mais qui laisse ses enfants dans le péché, mais qui laisse ses enfants ignorants de leur religion, mais qui laisse son épouse dans des péchés à longueur de journée, qui délaisse ses frères et sœurs, et ainsi de suite. Alors celui-ci, il s'est opposé à la voie du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Car la voie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, celle que lui a tracée Allah, subhanahu wa ta'ala, afin qu'il la suive dans le prêche, c'est de commencer par les gens qui te sont les plus proches. Et ici, il y a un point très important à noter, c'est que la voie dans la prédication, la méthodologie, la méthode à emprunter, elle ne doit être prise que des règles du Coran et de la Sunna. Non pas des opinions et des idées des gens. Car beaucoup de personnes aujourd'hui qui prétendent être des prédicateurs, ils suivent des méthodes qu'ils ont empruntées à autre qu'eux et qui sont parfois contraires à la méthodologie correcte selon le Coran et la Sunna. Ils vont suivre par exemple les modes des réseaux sociaux. Regarder qu'est-ce qui se fait ou non sur les réseaux sociaux, sans même se soucier de savoir si cela est conforme au Coran et à la Sunna. Et il n'y a pas de doute que ceci est une grave erreur. Donc pour revenir ici au hadith, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à son prophète sallallahu alayhi wa sallam d'avertir les gens qui lui étaient les plus proches, il est monté sur le mont Safa, puis il a dit aux gens de Quraysh, donc Quraysh qui est la tribu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceux vers qui il a été envoyé, achetez vos propres âmes. Qu'est-ce que cela signifie acheter vos propres âmes? C'est-à-dire affranchissez-les. Affranchissez-les du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comment les affranchir du châtiment d'Allah? Comment la personne peut-elle acheter sa propre âme? Tu achètes ta propre âme et tu l'affranchis du feu en entrant dans la religion de l'islam, en vouant ton culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala, en concrétisant le tawhid, en délaissant l'adoration de tout autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui fait cela, il a alors affranchi son âme du feu de l'enfer. Et ceci a donc lieu par l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et l'obéissance à son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et sans cela, il n'est pas possible pour la personne de se préserver du châtiment d'Allah. Même si la personne, elle dépense tout l'argent et tous les biens présents parmi l'or et l'argent dans ce bas monde, qu'elle réunissait tous ses biens afin de ne pas être châtiée dans le feu de l'enfer. Si elle est mécréante, ceci ne lui sera d'aucun profit. Car celui qui meurt sur la mécréance, il ira inévitablement en enfer. Quant à celui qui meurt sur le tawhid et sur la croyance authentique, alors celui-ci, il a acheté sa propre âme. il a affranchi son âme du feu de l'enfer. Car c'est le seul moyen d'être sauvé du feu de l'enfer. D'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, d'obéir à son messager sallallahu alayhi wa sallam, et de mourir sur la croyance authentique qui est la croyance du tawhid en s'étant préservé du polythéisme. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'adresse ici à son peuple, à sa tribu, à ces gens qui lui sont les plus proches. Ô gens de Quraysh, achetez vos propres âmes, affranchissez-les du châtiment d'Allah. Je ne peux rien pour vous auprès d'Allah. Je ne peux rien pour vous auprès d'Allah. Méditez sur cette parole. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le plus noble des hommes, le meilleur des hommes, le maître des enfants d'Adam, il dit à ses plus proches parents, je ne peux rien pour vous auprès d'Allah. C'est-à-dire le fait que vous soyez de ma famille. Cela ne vous sera d'aucun profit auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala, si vous n'entrez pas en islam. Cela ne sera pas un argument pour vous auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc ceci, cela nous prouve la fausseté du polythéisme et la fausseté de ce que font ceux qui s'accrochent aux individus, ceux qui s'accrochent aux saints, qui s'attachent aux vertueux, et qu'ils pensent que les vertueux ont le pouvoir de les rapprocher davantage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme le font les polythéistes, comme le font les adorateurs de tombes. Ils s'attachent aux saints et aux vertueux, et ils ont la conviction que les vertueux peuvent intercéder pour eux auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. On verra dans un prochain chapitre ce qui est lié à l'intercession. Ils ont la conviction que ceux-là peuvent être des intermédiaires entre eux et Allah, et que leur vouer différentes sortes d'adorations, comme le sacrifice, le vœu, l'invocation et autres, cela les rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car ils pensent que ces personnes leur seront utiles auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci est encore présent jusqu'à nos jours. Nombre de gens parmi les adorateurs de tombes et parmi les différentes confréries soufis, et autres qu'eux, ils pensent que les saints, les vertueux, qui sont enterrés, qui sont dans leur tombe, ont le pouvoir de leur profiter ou de le préserver du mal. Donc ils se rendent dans ces mausolées, ils se frottent à leurs murs, ils font des sacrifices pour eux, autour de ces mausolées, ils font des vœux pour eux, et ainsi de suite. Et ils pensent que cela leur est utile auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce hadith, ainsi que de nombreuses autres preuves du Coran et de la Sunna, mais ce hadith est une preuve explicite et indiscutable que cela ne leur est d'aucune utilité. Car si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est le meilleur des hommes, et celui qui est le plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne peut rien pour sa famille. Il leur dit, je ne peux rien pour vous auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors qu'est-ce que les saints, les vertueux ou les autres personnes qui sont mortes et qui sont adorées en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala vont pouvoir pour ceux qui viennent et les adorent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala? Il n'y a pas de doute que ceci est insensé. Cela s'oppose aux preuves, mais cela s'oppose également à la raison. Ce qui est obligatoire pour l'homme, c'est de s'attacher uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala et de vouer ses œuvres et l'ensemble de ses adorations à son Seigneur subhanahu wa ta'ala en dehors de tout autre que lui. Quant à ceux qui vouent des adorations devant ces mausolées, alors ceci ne leur est d'aucun profit. Au contraire, ceci ne fait que les éloigner d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donc commencé par avertir sa tribu de manière générale et leur a dit, ô gens de Quraysh, achetez vos propres âmes, je ne peux rien pour vous auprès d'Allah. Ensuite, il a précisé. Il a commencé et a dit, ô Abbas ibn Abdel Muttalib, je ne peux rien pour toi auprès d'Allah. Abbas ibn Abdel Muttalib, c'est l'oncle paternel du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le frère de son père. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, je ne peux rien pour toi auprès d'Allah. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ô Safiya, tante paternelle du messager d'Allah, la sœur de son père, je ne peux rien pour toi auprès d'Allah. Ensuite, il s'adresse à encore plus proche, à sa propre fille, et lui dit, ô Fatima, fille de Mohammed, demande de mes biens ce que tu veux, c'est-à-dire demande de mon argent ce que tu souhaites. Je te le donnerai car j'en suis capable. Les biens de ce bas monde que je possède, je suis en mesure de te les donner. Mais je ne peux rien pour toi auprès d'Allah. C'est-à-dire que si tu souhaites être sauvé du feu dans l'au-delà et entrer au paradis, alors ceci ne s'obtient que par l'obéissance à Allah et l'obéissance au messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci est le seul moyen d'être sauvé du feu de l'enfer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc averti les gens qui lui étaient les plus proches. Et leur a dit qu'il ne leur était d'aucun profit auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on voit qu'il s'est adressé spécifiquement à certaines personnes de sa famille. Son oncle paternel, sa tante paternelle et sa propre fille. Donc ceci est une preuve qu'il est interdit de se reposer sur sa filiation, d'être la descendance d'un prophète ou d'un vertueux, tout en étant négligent dans les œuvres pieuses. Car ceci, le fait de descendre d'une personne vertueuse, n'est d'aucun profit auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit d'ailleurs au sujet du jour de la résurrection, فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ, et lorsqu'on soufflera dans la trompe, فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ, il n'y aura plus de parenté entre eux ce jour-là. Et ceci est général pour l'ensemble des gens. Le fait d'être issu d'une famille noble, d'une famille pieuse, si toi-même tu n'es pas pieux, cela ne te sera d'aucun profit auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si ton père ou ta mère est quelqu'un de vertueux, qu'ils font beaucoup d'adoration, mais que toi tu commets des péchés à longueur de journée, que tu désobéis à Allah, que tu t'opposes à la voix du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ceci ne te sera d'aucun profit auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre, Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila li ta'arafu, inna akramakum 'indallahi atqakum. Ô vous les gens, nous vous avons créés d'un homme et d'une femme, et nous avons fait parmi vous des peuples et des tribus. Pourquoi? Afin que vous vous reconnaissiez. Afin que vous vous reconnaissiez. Et certes, le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Ce qui est pris en considération auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas ta lignée. Ce n'est pas le fait que tu aies eu des parents ou des grands-parents ou des ancêtres pieux. Mais ce qui est pris en considération auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que toi-même tu sois vertueux. Quant à ta lignée, elle n'est utilisée ici-bas qu'afin que les gens se reconnaissent, qu'ils se distinguent les uns des autres. Mais dans l'au-delà, فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ, il n'y aura plus de parenté entre eux. Il ne restera que tes œuvres. Au jour de la résurrection, il n'y aura que ça qui pourra te profiter auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. On voit donc à travers ce hadith différents points, comme on l'a mentionné au cours de sa lecture, notamment l'obligation de s'empresser de se soumettre aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et de ne pas retarder cela, mais également que celui qui appelle au bien, qui appelle à l'islam, il doit commencer par les gens qui lui sont les plus proches et en particulier les gens de sa maison. Également, parmi les points que l'on a vus dans ce hadith et qui sont spécifiquement liés à ce chapitre dans lequel le Cheikh rahimahullah ta'ala nous démontre la fausseté du polythéisme, il y a le fait qu'il n'est pas permis de s'attacher et d'en se remettre aux individus parmi les pieux et les vertueux en pensant que ceci peut nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais la personne, elle doit faire des efforts pour œuvrer dans le bien elle-même, pour craindre Allah subhanahu wa ta'ala, pour accomplir des œuvres de bien, pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala directement, sans intermédiaire, mais en vouant son culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala, et certes, il est proche de ses serviteurs. Et enfin, on a vu dans ce hadith que le fait de descendre de personnes vertueuses, comme le fait de descendre de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceci n'est d'aucun profit auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala si la personne n'est pas elle-même vertueuse et qu'elle n'accomplit pas d'œuvres pieuses. Sans cela, sa lignée ne lui sera d'aucun profit auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. On a donc terminé avec ce chapitre dans lequel on a vu, dans le premier verset, que ceux qui adorent autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala adorent en réalité des créatures faibles comme eux, qui ne sont que des créatures et que seul le Créateur est en droit d'être adoré. Et on a vu dans le deuxième verset que ceux qui sont invoqués en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils ne possèdent rien pour ceux qui les invoquent, ils ne sont maîtres de rien, ils ne les entendent même pas, et ils ne sont donc pas en mesure de répondre à leurs invocations. Ensuite, on a vu dans le hadith et l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons radiyallahu ta'ala anhum lors de la bataille de Uhud et ce qu'ils ont subi comme nuisance de la part des polythéistes, la preuve que les personnes vertueuses, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons radiyallahu ta'ala anhum, ne sont pas en mesure de repousser le mal de leur propre personne. Alors, ils peuvent d'autant moins le repousser d'autres qu'eux, et d'autant plus après leur mort. Également, on a vu à travers le verset que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne détient aucune part du commandement, et que c'est Allah subhanahu wa ta'ala seul qui sait qui mourira sur la foi et qui mourira sur la mécréance, qui seront ceux qui réussissent et qui seront les perdants. Et enfin, on a vu les différents bénéfices que l'on vient de mentionner lors de la lecture du dernier hadith au sujet du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui s'est levé sur le mont Safa pour appeler à l'islam les gens qui lui étaient les plus proches parmi ses plus proches parents. On va donc s'arrêter là pour le cours d'aujourd'hui. On verra dans le cours de demain, inshallah ta'ala, le chapitre suivant dans lequel l'auteur, rahimahullah ta'ala, continue à nous démontrer sous divers aspects la fausseté du polythéisme. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter de ce que l'on a dit et écouter. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de cette assise une preuve pour nous et non pas contre nous au jour de sa rencontre. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fiikum.